Eh ben ça y est, on a les résultats, on a un nouveau maire, et c'est le même qu'avant. Ah ben dis donc, quel nouveau maire ? Eh ben... Encore lui ? Ça me désespère, je suis déprimée par cette nouvelle. Franchement, j'espérais que... Il ne serait pas élu, je sais. Eh ben, moi, je suis ravie de voir que les gens sont intelligents. Ils ont voté pour quelqu'un qui a été compétent. L'équipe municipale a bien fonctionné. Et ben voilà, les gens ont voté pour lui. Alors, c'est compétent, très bien. Compétent pour planter des fleurs, hein, pour mettre du goudron où il y en a besoin. Et puis, mais pour, ça fait travailler les gens. Pour les systèmes de corruption installés comme ça depuis combien d'années, hein. Oui, bien sûr, ça va continuer. Ouais. Compétent pour implanter des usines à la périphérie de la ville, pour raser des monuments. Vous êtes déprimé, vous êtes déçu, c'est oui, pour ça. Oui, déprimé, déçu. On a beaucoup mais de raisons. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très heureux et qui sont ravis de savoir qu'il a été à nouveau élu. Ah non, c'est un cauchemar, non, vraiment. Quelle tristesse. Ouais, moi, je sais que j'ai passé une mauvaise nuit. Je suis même désemparée. Vous êtes rabat-joie. Moi, je vais aller faire la fête. Eh ben, dis donc, tu feras la fête avec lui, mais en tout cas, avec nous. Sans nous. Non, c'est vraiment désespérant, quoi. Moi, je préfère aller me coucher.